Livre dixième, chapitre 7. Châteaupers à la rescousse. Le lecteur se souvient peut-être de la situation critique où nous avons laissé Quasimodo. Le brave sourd, assailli de toutes parts, avait perdu, sinon tout courage, du moins tout espoir de sauver non pas lui, il ne songeait pas à lui, mais l'Égyptienne. Il courait éperdu sur la galerie. Notre-Dame allait être enlevée par les truands. Tout à coup, un grand galop de chevaux emplit les rues voisines, et avec une longue file de torches et une épaisse colonne de cavaliers, abattant lances et brides, ces bruits furieux débouchèrent sur la place comme un ouragan. « France, France, taillez les manants! Châteaupers à la rescousse, prévôté, prévôté !» Les truands effarés firent volte-face. Quasimodo, qui n'entendait pas, vit les épées nues, les flambeaux, les fers de pique, toute cette cavalerie en tête de laquelle il reconnut le capitaine Phébus. Il vit la confusion des truands, l'épouvante chez les uns, le trouble chez les meilleurs, et il reprit de ce secours inespéré tant de force qu'il rejeta hors de l'église les premiers assaillants qui enjambaient déjà la galerie. C'étaient en effet les troupes du roi qui survenaient. Les truands firent bravement. Ils se défendirent en désespéré. Pris en flanc par la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs et en queue par la rue du Parvis, acculés à Notre-Dame qu'ils assaillaient encore et que défendait Quasimodo, tout à la fois assiégeant et assiégé, ils étaient dans une situation singulière où se retrouva depuis, au fameux siège de Turin en 1640, entre le prince Thomas de Savoie qu'ils assiégeaient et le marquis de Leganet qui le bloquait, le comte Henri d'Harcourt, Torinum obsessor idem et obsessus, comme dit son épitaphe. La mêlée fut affreuse, à chair de loup, dents de chien, comme dit Pierre Mathieu. Les cavaliers du roi, au milieu desquels Phébus de Châteaupers se comportait vaillamment, ne faisaient aucun quartier, et la bataille reprenait ce qui échappait à l'estoc. Les truands, mal armés, écumaient et mordaient. Hommes, femmes, enfants se jetaient aux croupes et aux poitrails des chevaux, et s'y accrochaient comme des chats, avec les dents et les ongles des quatre membres. D'autres tamponnaient à coups de torche le visage des archers, d'autres piquaient des crocs de fer au cou des cavaliers et tiraient à eux. Ils déchiquetaient ceux qui tombaient. On en remarqua un qui avait une large faux luisante et qui faucha longtemps les jambes des chevaux. Il était effrayant. Il chantait une chanson nasillarde. Il lançait sans relâche et ramenait sa faux. À chaque coup, il traçait autour de lui un grand cercle de membres coupés. Il avançait ainsi au plus fourré de la cavalerie, avec la lenteur tranquille, le balancement de tête et l'essoufflement régulier d'un moissonneur qui entame un champ de blé. C'était Clopin Trouillefou, une arquebusade l'abattit. Cependant, des croisées s'étaient rouvertes. Les voisins, entendant les cris de guerre des gens du roi, s'étaient mêlés à l'affaire. Et de tous les étages, les balles pleuvaient sur les truands. Le parvis était plein d'une fumée épaisse que la mousqueterie rayait de feu. On y distinguait confusément la façade de Notre-Dame et l'Hôtel-Dieu décrépit avec quelques haves malades qui regardaient du haut de son toit écaillé de lucarnes. Enfin, les truands cédèrent. La lassitude, le défaut de bonnes armes, l'effroi de cette surprise, la mousqueterie des fenêtres, le brave choc des gens du roi, tout les abattit. Ils forcèrent la ligne des assaillants et se mirent à fuir dans toutes les directions, laissant dans le parvis un encombrement de morts. Quand Quasimodo, qui n'avait pas cessé un moment de combattre, vit cette déroute, il tomba de genoux et leva les mains au ciel. Puis, ivre de joie, il courut, il monta avec la vitesse d'un oiseau à cette cellule dont il avait si intrépidement défendu les approches. Il n'avait plus qu'une pensée maintenant, c'était de s'agenouiller devant celle qu'il venait de sauver Une seconde fois, lorsqu'il entra dans la cellule, il la trouva vide.